lundi 15 octobre, Jésus prie pour ses disciples. Lisez Jean 17, les versets 9 à 19. Pourquoi spécifiquement Jésus prie-t-il concernant ses disciples ? Jésus prie ensuite pour ses disciples qui courent le grand danger de perdre leur foi en lui dans les jours qui arrivent. Quant à lui, Jésus, il savait qu'il ne serait plus avec eux personnellement. Il les confie donc aux bons soins du Père. La prière de Jésus concerne leur protection dans le monde. Jésus ne prie pas pour le monde car il sait qu'il est fondamentalement opposé à la volonté du Père. Mais c'est dans le monde que les disciples vont devenir serviteurs. Alors Jésus prie pour qu'ils soient préservés du mal de ce monde. Jésus s'inquiète pour le monde. En effet, il est son sauveur. Mais la propagation de l'Évangile est liée au témoignage de ceux qui iront prêcher la bonne nouvelle. C'est pourquoi Jésus a besoin d'intercéder pour eux, afin que le mauvais ne puisse les vaincre. Pourtant, un disciple a bien été vaincu. Plus tôt ce soir-là, Jésus avait mentionné que l'un d'entre eux avait décidé de le trahir. Même si Jésus fait référence au fait que les Écritures avaient prédit la trahison de Judas, Judas n'était pas pour autant la victime du destin. Lors du dernier repas, Jésus eut un geste d'amour et d'amitié plein de sollicitude. Pendant le souper de Pâques, Jésus avait montré sa divinité en dévoilant le dessein du traître. Il avait eu la bonté d'inclure Judas dans le ministère exercé en faveur des disciples. Mais le dernier appel fut fixé irrévocablement. Sachant que l'envie et les jalousies pouvaient diviser les disciples, comme cela avait déjà été le cas par le passé, Jésus prie pour leur unité. « Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. » Une telle unité dépasse les réalisations humaines. Elle ne peut être que le résultat et le don de la grâce divine. Leur unité est fondée dans l'unité du Père et du Fils, et cette unité est une condition indispensable à un service efficace pour l'avenir. Leur sanctification ou consécration dans la vérité est également indispensable pour le service. L'œuvre de la grâce divine dans le cœur des disciples les transforme. Mais s'ils doivent témoigner de la vérité de Dieu, ils doivent être eux-mêmes transformés par cette vérité. Que signifie ne pas être de ce monde ? Qu'y a-t-il en nous, dans nos vies et dans notre manière de vivre, qui fait que nous ne sommes pas de ce monde ?